بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس في تفسير كلام الله تبارك وتعالى Bienvenue chers frères et sœurs dans ce cours pour l'exégèse de la parole d'Allah تبارك وتعالى. Et aujourd'hui, on va voir bi'idhnillah surat al-Adiyat. Wahiya suratul makkiyah, c'est une surat qui a été révélée pendant la période mécoise. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit après la basmala wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا. Par ceux qui galopent de toute vitesse et qui halètent. Ici, et qui halètent, c'est-à-dire donc la respiration, la forte respiration qu'il y a lorsqu'on court vite. المراد هنا كما رجحه أكثر المفسرين هو الخيل. Ce qui est voulu ici, comme l'ont cité la majorité des savants du tafsir, ce sont les chevaux quand ils galopent, et aussi le son que vont produire ces chevaux lorsqu'ils vont accélérer, lorsqu'ils vont galoper rapidement, ils vont produire un son lié à leur respiration. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا et qui font jaillir des étincelles. Et donc par ceux qui galopent de toute vitesse et qui halètent et qui font jaillir des étincelles. نحن في هذه أو في هذا المكان الذي نعيش فيه كل من يتقن إيقاد النار بضرب الحجارة بعضها بعضا. Nous ici dans le pays, dans le lieu dans lequel nous vivons, il y a peu de personnes qui maîtrisent le fait d'allumer un feu avec des pierres en les frappant les unes aux autres. لكننا لو سافرنا إلى بعض البلاد أو بعض القرى قد نجد من يتقن ذلك. Cependant, si on voyage dans certains pays ou dans certains villages, il se peut qu'on rencontre des gens qui maîtrisent cela. فالخيل حينما تعدو وتسرع تضرب بقدمها الأحجار فالحجر إذا ضرب ثم من شدة الضرب ضرب حجرا آخر أو قد نارا. Et donc le cheval, lorsqu'il va rapidement galoper, lorsqu'il va galoper rapidement, le cheval, par son sabot, il va frapper des pierres. Et cette pierre qui va être frappée, tellement le coup va être violent, cette pierre va aller frapper une autre pierre. Et ceci va provoquer des étincelles, peut provoquer un feu. فَسُبْحَانَ مَنْ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Alors gloire à celui qui fait ce qu'il veut. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا et qui attaque à l'aube. Et donc, par ceux qui galopent de toute vitesse et qui halètent, qui font jaillir des étincelles et qui attaquent à l'aube. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم ليلا بل انتظر أذان الفجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'attaquait pas avec son armée, il n'attaquait pas un ennemi en pleine nuit, mais il attendait le matin. Il n'attaquait pas un peuple en pleine nuit, mais il attendait le matin, il attendait le Ezen du Fajr. فَإِنْ سَمِعَ الْأَذَنَ أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ هَذَا الْوَقْتَ أَنْسَبُ لِلْحَرْبِ. Et donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait le Ezen du Fajr, alors il s'abstenait, il n'y avait pas de bataille. Mais s'il n'entendait pas le Ezen du Fajr, alors là il attaquait, et donc à l'aube, car certes ce moment est le moment le plus propice pour la bataille. L'ennemi n'est pas prêt, etc. Bel huwa waqtun mubarak li jami'il a'mal. Mais c'est un temps, c'est un moment, l'aube, en réalité, c'est un moment qui est béni pour toute œuvre de piété. Akhraja Abu Daoud fi sunani. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Abu Daoud a cité dans son sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Allah, accorde la bénédiction à ma communauté. Fibukuriha, les savants du tafsir, les savants nous disent ce qui est voulu par là, c'est Awwalun Nahar, le début de la journée. Accorde la bénédiction à ma communauté en début de journée. Es-Sobh, à l'aube. Idan huwa waqtun mubarak. Et donc ce moment est un moment béni. Fal insan ya'tani. في هذا الوقت بقراءة القرآن وحفظه وفهمه والأذكار وغير ذلك مما ينفعه. Et donc l'être humain, il va profiter de ce moment pour lire le Coran, le mémoriser, le comprendre, faire son adhkar, et autre que cela parmi les actes profitables et bénéfiques. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مقامه الذي صلى فيه الفجر حتى تطلع الشمس. Et certes, il a été rapporté de façon authentique dans le recueil de l'imam Muslim que le prophète صلى الله عليه وسلم ne se levait pas de la place où il a prié le fajr jusqu'à l'apparition, jusqu'au lever du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se levait de la place où il a prié le fajr que après le lever du soleil. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit fa atharna bihi naqa'a. Et font ainsi voler la poussière. Et font ainsi voler la poussière. وَذَلِكَ مِنْ سُرْعَةِ سَيْرِهِ. Et cela par la vitesse de leur déplacement, donc les chameaux qui vont faire voler la poussière. فَوَسَطَ نَبِهِ جَمْعَا. Et puis pénètre au centre des troupes. فَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ الْخَيْلَ لَا يَخَافُ يدخل في وسط جيش العدو ولا يخاف من الأسلحة وغير ذلك. Ce qui est voulu ici donc, c'est que ces chevaux ne vont pas avoir peur. Ils vont rentrer, donc pénétrer au milieu, au centre de la troupe ennemie, de l'armée ennemie, et ne vont pas avoir peur des armes ou autres. فأقسم الله تبارك وتعالى بالخيل وهذا يدل على شرفها. ولا شك أيها الإخوة على شرف الخيل ولا سيما إذا كانت في سبيل الله. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala dans cette sourate, il a juré par les chevaux, et il n'y a et donc et cela nous montre le caractère noble de cet animal Il n'y a nul doute sur le fait que le cheval est un animal noble, particulièrement quand celui-ci est dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa aqsamallahu bil khayli alladhi huwa min ni'amillahi ta'ala 'ala al-'abd. هذا الحيوان الذي هو أقوى من الإنسان مسخر له يطيعه وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a juré par le cheval, par les chevaux. Et ceci, donc, naam, ces chevaux qui font partie des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur les serviteurs, sur les êtres humains. Cet animal qui est bien plus fort que l'être humain. Il est bien plus fort que lui, plus rapide que lui et autres. Et pourtant, cet animal va être asservi et va obéir à l'être humain. Cet animal va obéir à l'être humain et cela fait partie des bienfaits d'Allah, des grâces d'Allah tabaraka wa ta'ala sur l'être humain. Lakin al-insan yakfuru bi ni'matillahi tabaraka wa ta'ala illa man rahimahullah. Cependant, l'être humain, il va donc être ingrat. Il va être ingrat quant au bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit après cela, Inna al-insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid. Certes, l'être humain est ingrat envers son Seigneur. Et il est certes témoin de cela. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Et certes, il aime beaucoup le bien. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Ne sait-il pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, et ce qui est dans les poitrines sera dévoilé. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Alors, à ce moment-là, certes, leur Seigneur sera en ce jour parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Sera en ce jour parfaitement connaisseur de leur situation. Innal insana li rabbihi lakanud. Certes, l'être humain est ingrat envers son Seigneur. فالله تبارك وتعالى يرزقه فيتنعم بنعم الله ليلا ونهارا. Allah تبارك وتعالى lui accorde sa subsistance. L'être humain va donc profiter des bienfaits d'Allah jour et nuit. ومع ذلك فإنه يكفر بنعمة الله إلا من رحم. Et donc, malgré tout cela, l'être humain va faire preuve d'ingratitude envers Allah, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. فَلَا يَكُمُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَيَسْتَخْدِمُ مَا أَنْعَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَعْسِيَةِ اللَّهِ. Cet être humain ne va pas accomplir, donc, il ne va pas obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne va pas accomplir ses obligations. Et il va utiliser les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donnés dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'alam ayy, wa'alam ya akhi, annaka kullama asayta Allah tabaraka wa ta'ala, faqad istakhdamta ma an'amahu alayka fi ma'siyatihi. Sache, ô mon frère, que à chaque fois que tu désobéis à Allah tabaraka wa ta'ala, tu utilises un des bienfaits qu'il t'a accordé dans la désobéissance. Il se peut que tu vas utiliser ta langue, il se peut que tu vas utiliser tes yeux, tes mains, tes pieds ou autres. Mais dès que tu vas désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas utiliser un bienfait qu'il t'a accordé. Alors médite sur cela. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa innahu ala dhalika la shahid » et il est certes témoin de cela. « Faqad yuraduhuna ma'nayen » Il se peut que ce soit deux significations qui sont voulues ici. L'awwal, inna l'insana shahidun ala nafsihi bil kunud. La première signification, que l'être humain atteste contre sa propre personne qu'il est ingrat. L'être humain reconnaît son ingratitude. الثاني أن الله تبارك وتعالى شهيد على كنود الإنسان. La deuxième signification est qu'Allah تبارك وتعالى est témoin de l'ingratitude de l'homme. والمعنيان صحيحان. Et les deux significations sont correctes. Les deux significations sont correctes. Ensuite Allah تبارك وتعالى qui dit وإنه لحب الخير لشديد. Et certes, il aime énormément le bien. Ce qui est voulu par le khayr ici, ce ne sont pas les bonnes actions, c'est l'argent. L'argent. L'être humain aime beaucoup l'argent. فَإِنَّ الْإِنسَانِ يُحِبُّ الْمَالَ كَثِيرًا فَالْإِنسَانِ لِحُبِّهِ لِلْمَالِ يَرْتَكِبُ الْمَعَاصِي وَيَتْرُكُ الْوَاجِبَاتِ. L'être humain, tellement il aime l'argent, il va accomplir des péchés pour obtenir cet argent. Des frères qui vont avoir des emplois avec ambiguïté, qui vont transporter de l'alcool, qui vont transporter des choses illicites, qui vont préparer des nourritures et des repas illicites. Pour les croyants ou les incroyants, énormément de fonctions à ambiguïté. Et donc l'être humain, pour de l'argent, va accomplir des péchés. Il va délaisser les obligations, la prière et autres, la prière à l'heure. يَظُنُّ أَنَّ أَكْبَرَ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ هُوَ الْمَالُ. Il pense que la plus grande cause du bonheur, c'est l'argent. أَمَّا الصَّالِحُونَ الْمُوَفَّقُونَ فَلَا يَسْعَوْنَ خَلْفَ الزِّيَادَةِ. En ce qui concerne les pieux, ceux à qui la réussite a été accordée, alors ceux-ci n'accourent pas, ils ne cherchent pas à avoir plus d'argent que cela. Cependant, ils se suffisent, ils sont satisfaits de ce qui leur est suffisant pour vivre. Ça leur est suffisant pour vivre, c'est assez, alhamdulillah. Ils ne vont pas désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir plus. Ils ne vont pas délaisser des obligations pour avoir plus. Ils ne vont pas perdre du temps, délaisser des adorations pour avoir plus. Car ils savent que ce qui est le plus important, c'est leur au-delà. وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّ الْمَالِ يَنْبَغِي أَنْ نَسْتَخْدِمَهُ كَمَنْ نَسْتَخْدِمُ الْخَلَاءِ. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a cité le fait que nous devons utiliser l'argent de la même façon que nous utilisons les toilettes. Narji'u ilayhi faqat 'inda al-haja. C'est-à-dire que nous revenons vers l'argent, nous allons vers l'argent que quand il y a un besoin. Les toilettes, tu n'es pas aux toilettes toute la journée. Tu vas aux toilettes seulement quand il y a un besoin. Et c'est comme ça que tu dois faire avec l'argent. Tu vas chercher l'argent quand il y a un besoin. فذكر الله تبارك وتعالى الإنسان ليذكر أمرا مهما يعينه على ترك المال والابتعاد عنه. Et donc Allah تبارك وتعالى a fait le rappel à l'être humain afin que celui-ci se souvienne d'un point important qui va l'aider à délaisser l'argent et s'éloigner de l'argent. Allah tabaraka wa ta'ala a leur dit: "Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur?" Ne sait-il pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé? Wa hadha huwa khuruj an-nas min al-qubur lil-hisab 'inda rabbihim. Et ceci, c'est le fait que les gens sortent des tombes pour être jugés auprès de leur Seigneur. Wa husila ma fis sudur. Et que ce qui est dans les poitrines sera dévoilé. فيخرج الناس من القبور وتخرج السرائر من الصدور فيسأل الإنسان عن نياته وتوكله وغير ذلك من أعمال القلوب. Et donc les êtres humains vont sortir des tombes et les secrets seront sortis des poitrines. Et c'est alors que l'être humain sera interrogé concernant ses intentions, concernant son tawakkul, la confiance, le fait, est-ce que tu as mis ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala ou pas? Et autre que cela, parmi les actes du cœur, il sera interrogé quant à tout cela. وَيُسْأَلُ الْإِنسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ كَذَلِكِ. Et aussi, l'être humain sera interrogé concernant les actes de ses membres, pas seulement les actes du cœur au jour de la résurrection. لَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ الْقُلُوبِ هُنَا لِأَنَّ الْقَلْبَ هُوَ الْأَصْلِ. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala ici, il n'a cité que les cœurs, car la base, c'est le cœur. La base, c'est le cœur. وَهَذَا يَدُلُّنَا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ عَلَى أَهَمِّيَةِ تَصْفِيَةِ قُلُوبِنَا. Et cela, oh chers frères, cela nous montre l'importance de la purification de nos cœurs. لِأَنَّنَا مَهْمَا أَظْهَرْنَا لِلنَّاسِ مِنْ صَلَاحٍ فَلَا يُمْكِنُنَا أَن نُخْفِيَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا فِي قُلُوبِنَا. Car, certes, chers frères, peu importe la piété que nous montrons aux gens, peu importe la piété que nous montrons aux gens, nous ne pouvons cacher à Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'il y a dans nos cœurs. فَالْأَمْرُ خَطِيرٌ. Et donc le sujet est grave, le sujet est lourd et important. Oh, chers frères, nous devons donc nous efforcer de purifier nos cœurs. ثُمَّ خَتَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ensuite, Allah Ta'ala, il finit cette sourate en disant, certes, leur Seigneur en ce jour sera parfaitement connaisseur d'eux. فَاللَّهُ عَلِيمٌ بِحَالِ الْإِنسَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah Ta'ala, il est parfaitement connaisseur de la situation de l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. Rien ne peut lui être caché. لَكِنَّهُ ذَكَرَ هُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ وَقْتُ جَزَاءٍ. Cependant, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans ce verset, il n'a cité que l'au-delà. Il a cité le fait qu'il est parfaitement connaisseur de l'être humain dans l'au-delà. Il n'a cité que l'au-delà et il n'a pas cité la dunya. Car l'au-delà, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, c'est le moment de la rétribution. C'est le moment de la rétribution. فَعْلَيْنَا أَن نَسْتَعِدَّ لَهُ. Et donc nous devons nous préparer, oh chers frères, pour ce jour terrible. Et voilà, nous avons terminé l'exégèse de cette sourate sans avoir cité les divergences. J'ai juste cité l'avis le plus juste dans certains sujets. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.